Tellement blindé que t'en as oublié tes proches. On te juge à l'apparence, donc tu voulais acheter un Porsche. Rien n'est plus comme avant, à l'époque où t'étais moche et les mains solides. Tu te valeras pas le temps. Rempli d'ingratitude, on veut s'éloigner de toi. T'es sur Snap, sur Insta, t'es sur un piédestal. Tout ça c'est éphémère, tu veux Kaya Iniesta. Tu prends la vitesse, mais on sait pas où tu t'étales. Mon ami, réveille-toi. Peut-être c'est trop dommage, on t'avait validé. Il avait un bon fond, ami, t'as validé. Calé dans le vide, j'ai dû l'éliminer. T'as pas idée. Ah ouais, pote, laisse tomber. Les gars disent qu'il faut les folles, pote, laisse tomber. Ah ouais, laisse tomber. J'ai bugué mon téléphone, pote, laisse tomber. Dans ton phone, tu te rappelles.